les Andalouses, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse? C'est l'amour. J'prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Planter sa